Vous êtes de retour à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne, et comme à l'habitude, en début de cette deuxième demi-heure, je fais un commentaire de disque de la semaine. À chaque semaine, comme ça, je vous propose un commentaire de disque que j'ai fait au cours des jours qui viennent de passer, des semaines ou des mois. Et cette semaine, j'en ai un très bon, « Mon cœur est une île, Brigitte Leblanc ». Un des plus beaux bijoux des îles de la Madeleine, c'est sans contredit Brigitte Leblanc, qui nous revient avec un neuvième album country, bien fignolé. « Mon cœur est une île » est un retour aux sources, nous parlant de ses racines des îles en passant par les aventures qu'elle a vécues au fil de la route. L'artiste des îles a travaillé avec le duo d'auteurs-compositeurs Sylvain Rivière et Paul Darèche. Ces derniers ont proposé 5 des 12 chansons de l'album et des pièces intéressantes comme celle qu'on va entendre des Madeleines au continent. Il y a aussi Étoiles filantes, il y a Ailleurs, qui seront captivés le cœur des amateurs de belle musique country, comme qu'on aime entendre. Bien entendu, je vous donne des adresses et j'espère que vous allez faire un tour pour découvrir cet artiste-là et vous procurer son disque si vous ne l'avez pas encore. Il y a bien sûr son site internet brigitteleblanc.com ou encore Distribution Plage, www.plageavecuns.net pour vous procurer l'album de Brigitte Leblanc ou tout autre album de produits acadiens. Donc vraiment très intéressant. On va y aller avec une première chanson, comme je vous disais. C'est une pièce de Paul Darèche et Sylvain Rivière, « Des Madeleines au continent ». Voici une interprète connue un peu au Québec et aussi en Acadie. Voici Brigitte Leblanc de son album « Mon cœur est une île ». Je suis né de bon matin avec la mer autour du cœur qui m'a montré à respirer, à même ses marées d'ailleurs, qui m'a mené au bout du monde de mer berceuse en grand amour, y courir si la terre est ronde sans compter les allers-retours. Je reviendrai dans la maison voir vos sourires de ma Delino. Oh, ma chère mère de sa maison me fait des grands signes sur l'eau. Elle est devenue mon enfant, celui que je n'ai jamais eu. À mon tour de lui offrir mon temps, d'elle j'ai tellement reçu. Chanterai par tous les temps des Madeleines au continent. Je chanterai contre le vent. Faire le tour de la parenté, ça me prendra bien tout l'été, sans oublier tous ceux partis, nous faire une place en paradis. Pendant que sur le bateau blanc, je chanterai pour la visite qui remontera le courant de l'archipel qui nous habite. Attendez-moi, je reviendrai jeter l'ancre entre deux marées. Jamais je ne vous oublierai et toujours je vous chanterai. Vous naviguez dans mon parler, votre musique me fait danser. Quand on vient au monde insulaire, jamais on ne peut s'en défaire. Autant l'emporte le vent, l'hirondelle fera mon printemps. Des Madeleines au continent, Sur cet album, on y retrouve une belle musique de Pierre Flynn pour la chanson qu'on va entendre dans quelques instants, « Chanson de bord de mer », qui est vraiment un très beau texte de la plume de Gilles Bernier. J'ai aussi bien aimé le honky-tonk « Les highways de la musique » que proposent les auteurs Nelson Mainville et Danny Boudreau. Alors, en fin de commentaire, on va entendre « La traversée du Nord », qui est une des plus belles chansons du disque. Merci à l'auteur-compositeur Guillaume Cyr qui a écrit vraiment une très belle chanson qui colle très bien à l'image de Brigitte Leblanc. Brigitte Leblanc, bien sûr, elle a un site internet. Allez faire un tour de ce côté-là, www.brigitteleblanc.com, où ce disque-là est sûrement disponible via Distribution Plage, www.plage.net. Je vous envoie une très belle chanson signée Gilles Bernier et la musique de Pierre Flynn, chanson de bord de mer. Voici la charmante Brigitte Leblanc. C'est une chanson de bord de mer, couleur pluie, brume et gris, de fin de nuit, de fond de bière, vie de lendemain, verre de gris, amour d'un jour, amour misère, sur du corps nu qui pleure et rit, c'est la nuit battant des paupières. Dans une bouteille vide à la mer, c'est un cri la nuit, une chimère, corne de brume d'amour néon, vague glacée, frisson de chair, soupir ridé d'accordéon. C'est comme un feu en plein hiver, où est le geste qu'elle est ton. C'est une chanson de bar amer, sous l'œil figé de lampadaire. Tango derrière des mains, color viabre maçon brio, filets de noches de ultimo pas, macias mañanas de cardenio, amor de ti, amor miseria, cuerpos que lloran y rien, es la noche que parpadea. En botella vacía al mar. Il est à l'étal du mois d'août, dans la mer du bord de septembre. Des amours amers au radou qui flânent et se cherchent une chambre pour se flatter de mots tout doux qui font que leurs amours se combrent. C'est une chanson de bord de mer, mais combien loin voient nos ailes. L'artiste originaire des îles La Madeleine, Brigitte Leblanc, a pris le temps de bien choisir une belle palette de chansons pour son dernier album. « Mon cœur est une île », un bel univers country avec une touche un peu latino, une touche folk de temps en temps, qui captive ceux qui recherchent de la belle mélodie. Avec sa voix chaude, Brigitte Leblanc nous livre un autre produit fort bien fignolé grâce à la belle réalisation de M. Paul Darèche. Donc, laissez-vous charmer par cette chanteuse des îles de la Madeleine, Brigitte Leblanc, en allant voir son site internet www.brigitteleblanc.com Il y a aussi Distribution Plage où on peut se procurer de l'excellent produit acadien. Donc, allez faire un tour sur plage avec un S.net. On y va avec une dernière pièce, comme je vous disais, une très belle chanson signée par l'auteur-compositeur Guillaume Cyr. Voici Brigitte Leblanc, La traversée du Nord. Ceux qui m'ont vu partir plus souvent qu'à mon tour, j'ai des choses à leur dire, des chansons pleines d'amour. Sur des morceaux de rêve, j'ai tricoté ma vie. Après toutes ces années, ma galère s'assagit. Des milliers de souvenirs restés ancrés dans mon cœur. La photo de mon père comme un porte-bonheur. Puis l'accordéon chante une de mes vieilles chansons, celle qui me ramène du Nord. Dans mon cœur restera capitaine de ma vie, qui vogue droit dans la nuit pour dire qu'on embrasse les côtes de la Gaspésie, toujours plus près de l'amour pour accoupler le bonheur. Je revois le jour, les frontières ne me font plus peur, les distances, les beaux jours, c'est bien l'histoire de ma vie. Avec les années de temps et plein de choses accomplies, je sais qu'un jour ou l'autre, tous ceux qui passeront la traversée du Nord chanteront ma chanson. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. De velours dès le premier soir de Bella. Si mon jouet y a aimé les tours, dis-moi Charles, c'est une belle. Dis-moi Charlie, je suis belle qui. Dès le premier soir de Bella, si mon jouet y a aimé les tours, est venu frapper ma porte en 8-3 heures avant le jour. Dis-moi Charles, c'est une belle. Dis-moi Charlie, je suis belle qui. Oh, il est venu frapper ma porte en 8-3 heures avant le jour. Lève-toi, jeune marié, oh lève-toi, car il est jour. Dis-moi Charles, c'est une belle, dis-moi Charlie, je suis belle gay. Oh, lève-toi, je jeune à marier, oh lève-toi, car il est jour. Y a des gens dans la boutique qui marchent sur le velours. Dis-moi, Charles, c'est une belle, dis-moi, Charlie, je suis belle qui. Quel homme apporte la boutique aussi les marchands de velours. Y a des chevaux sur mon père qui sont venus soignés comme moi. Dis-moi Charles, c'est une belle. Dis-moi Charlie, je suis belle qui. Oui, y a des chevaux sur mon père qui sont venus soignés comme moi. Ils ont du poids puis de la voix, les coups des traits, soir et matin. Dis-moi Charles, c'est une belle. Dis-moi Charlie, je suis belle qui. Ayant du fouet, pis de la voix, n'est coup d'étrée, soir et matin. Moi qui suis jeune marié, il m'en donne pas tous les matins. Dis-moi Charles, c'est une belle, dis-moi Charlie, je suis belle gay. Oh, dis-moi Charles, c'est une belle, dis-moi Charlie, je suis belle gay. Quel beau souvenir que j'ai pris sur la compilation La Nuit sur l'étang, les 25 ans de La Nuit sur l'étang. C'est bien entendu le groupe franco-ontarien Garoulou. Et dis-moi, Charles, vraiment, c'était un bon succès lorsque c'est sorti. Ça, c'est toujours bon, après quoi, tant d'années? C'est au moins une quarantaine d'années, c'est pas 50. Et non, c'est vraiment bien. Donc, j'adore cette chanson-là. Dis-moi, Charles, de la formation Garoulou. D'une formation d'hommes, on passe à une formation féminine. Et oui, avec un beau petit souvenir qui s'appelle « Le verre de gin ». Ça fait bon quelques années que c'est sorti. Tout ça pour vous dire que le 1er juin, il y aura le premier extrait du nouvel album de Les Chiclets. Et oui, folle. Bon, écoutez, je vais vous donner un petit hint, OK? Moi, je l'ai entendu déjà et je trouve ça fort intéressant. Je ne peux pas la jouer avant le 1er juin. Bon, hein, c'est un embargo. Mais laissez-moi vous dire que vous allez adorer ça. Puis ça nous amène un peu ailleurs avec les Chiclets, mais pas trop loin. On reconnaît le style des Chiclets. On a droit à les trois belles voix des Chiclets. Hein? Donc, de Julie Kim, Geneviève et aussi Nathalie Nadon. Donc, au début juin, je vous fais entendre ça, c'est sûr. Mais le nouvel extrait... Premier extrait du nouvel album des Chiclets, c'est le 1er juin que ça va sortir. On va se rappeler un beau souvenir, un verre de gin. Alors que j'enregistre cette émission-là, je ne l'ai pas vu encore parce qu'on est jeudi. Mais jeudi passé, hein, jeudi que le 28, eh bien, on a pu avoir le nouveau clip de Mélissa Ouimet. In Love Again, très bonne chanson que j'adore, très rythmée, très le fun. C'est de la belle énergie, comme qu'on connaît, de Mélissa Ouimet. Donc, on va entendre la pièce. Et bon, à la diffusion de cette émission-là, vous pouvez aller sur son site, sa page Facebook ou YouTube et voir le clip de cette chanson-là. C'est merveilleux. Et on va terminer la première partie du Bloc de l'Est Québec-Ontario avec tout simplement les Soliloques de Kingston. Très bonne formation qui nous propose la parole. Mais pour l'instant, voici les Chiclets, un verre de gin. C'est vers minuit sur le train de nuit, encore cette maudite insomnie. Mais quel est ce bruit qui me tire du lit? Non, c'est pas vrai, c'est encore lui. Je voyage seul, Paris-Annecy. J'y ai mis mes économies, mais toujours cette mélodie, je l'entends de près, c'est encore lui. Oui, je me rappelle, le soir de pluie, en traversant le pont Saint-Louis, je pousse la porte de la brasserie. Ça y est, c'est fait, je suis à lui. Musique m'emporte ailleurs, seul avec vous, plus un arrêt jusqu'à Annecy. Dans le couloir où je frémis, j'ouvre la porte et plus un bruit, en m'offrant un jean, il me sourit. Un cri retentit dans la nuit, le train qui repart nous avertit. Attention aux douces folies, le temps d'un éclair peut changer une vie. Une chaleur d'un verre de gin, je calme mes ardeurs. Enfin dans vos bras, pendant des heures, j'oublie le gin, je file le bonheur. J'oublie le gin, mon Dieu, quelle douceur. J'oublie le gin, il a pris mon cœur. Et j'abandonne tout. On se prend la tête, on s'emprisonne, nous. Qu'est-ce qu'on a fait de nous? On se questionne, rien ne nous arrête. Mais j'abandonne, et j'abandonne. Hey, hey, c'est temps qui devient fou. J'ai mille et un peut-être, le présent nous déjoue. J'ai fermé les fenêtres pour tenir le coup. Dans mon périmètre, je nous abandonne. Je nous abandonne. Don't make me feel like I'm in love again. Love again. Je défile, ça n'en vaut pas la peine. Pas la peine. On se prend la tête, on se pardonne tout. C'est faux ce qu'on s'avoue, on se redonne. Rien ne nous empêche, mais j'abandonne et j'abandonne. Des paroles et du vent. Yeah.